L'homme méga décide de payer sa mort. Deux basse-têtes divisent la différence par l'identique. La génération Y s'ébat au cristal temporel. Tire ses cornes d'une lithographie. Thank you. retombe à plat en disant Om. Om, om, om. Om, om. Om, om, om. Om, om, om. Om.